Bonjour à tous, on est de retour dans nos épisodes preview des différents tableaux des Jeux Olympiques de Paris à venir. On a fait le simple dames, on a fait le double mixte, on va cette fois s'intéresser au double homme et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire puisque bien avant même le tirage au sort de la compétition, il s'est passé des dingueries et des Français sont concernés, vous le savez peut-être, mais on va faire un rappel sur ça et après on passera évidemment aux sportifs et on va aller un peu dans le détail de ces groupes et notamment d'un gros groupe de la mort qu'on a, je pense, tous à de voir, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Badminton at its very, very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de Benoît, mais pas que, vous allez le voir après. Salut Benoît. Salut Ewan, salut les gars. Et oui, puisque on est accompagné aujourd'hui de, j'ai envie de dire, deux historiques, je dirais même deux piliers de notre Discord, et je suis très content de les accueillir pour la première fois dans ce podcast. Je vais commencer par David. Salut David, merci d'être là. Salut les gars, merci pour l'invitation et bonjour tout le monde. Et Guillaume, salut Guillaume, et bah pareil, merci d'être là, ça nous fait plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, oui. Alors, pour rappeler le format rapidement, on va faire comme ce qu'on a fait sur le double mix, c'est-à-dire qu'on va prendre les poules les unes après les autres, énoncer les paires concernées et donner notre avis et le classement que l'on voit pour ces quatre poules. Et ensuite, comme on n'aura pas le tirage au sort exact des sorties de poules, on va donner juste nos trois médaillés dans l'ordre évidemment, donc avec le métal de la médaille pour le mix. Les gars, vous l'avez pas, vous le savez peut-être, mais on avait des avis plutôt assez similaires. On va voir là le double homme. Je pense qu'il y a moyen d'avoir plus de surprises parce que c'est quand même une compétition qui est assez ouverte. On y reviendra, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que vous pensez pour l'identité des médaillés. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette poule A, ou poule A comme le règlement l'oblige, il y aura les numéros 1 mondiaux. En l'occurrence, Liang Wang, les Chinois. Ils seront avec Ben Lane et Shen Wendy, les Anglais qui représentent la Grande-Bretagne. Les Canadiens Dong Yakura et les Malaisiens Chia So. Je vais commencer par toi, tiens Guillaume. A priori, à première vue, l'identité des deux paires qui passent les poules, puisque je le rappelle que deux paires sont qualifiées, les autres sont éliminées. L'identité des deux paires, à savoir Liang Wang et Chia So, paraissent un ton au-dessus des deux autres. Est-ce que Guillaume, tu vois ça comme ça, ou est-ce que tu vois une surprise potentielle? Et surtout, qui vois-tu s'extirper premier de ce groupe? On n'a aucune surprise sur ce groupe A. Liang Wang premier, Chia So deuxième, Len Wenyin troisième et Dong Yakura quatrième. Ça va être normalement un parcours tranquille pour Liang Wang. D'accord. Et pour Chia So, a priori, le match le plus décisif, ça devrait être, je pense, Chia So contre Len Wenyin. Est-ce que tu vois les Anglais capables de les bousculer un peu, ou alors d'être plus nettement dominés? Non. Non, pas du tout. Pareil. Là, on a vu. On a vu Len Wenyin, c'était sur le Canada là, contre nos amis danois qui ont bien fait un bon premier set, mais dès que les Danois, Astrup Rasmussen, ont commencé à élever le niveau de jeu, ils se sont fait balader. Ça sera la même chose pour Chia So, à mon avis, ne prendront même pas un set de chauffe et qui dérouleront face à Len Wenyin. Ouais, c'est pour aller dans ton sens. Après, je vais laisser la parole aux autres, mais c'est vrai que Chia So, dans ce podcast, on leur a parfois tapé dessus pour leur manque de consistance, on va dire, quand le niveau s'élève. Mais c'est quand même rare de les voir passer à côté de matchs où ils sont favoris. Là, ils ont plus de 10 places d'avance au ranking, donc ça en fait des favoris. David, est-ce que tu es d'accord avec Guillaume? Est-ce que tu vois les choses pareilles, ou alors tu vois une éventuelle surprise, qui serait même une grosse surprise, s'inviter dans ce groupe A? Alors, je pense que pour les premiers de poule, Liang Wang, il n'y a pas photo. Je pense qu'ils vont effectivement, pour moi, rouler sur les trois autres paires. Bon, Chia So, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais je pense que normalement, il devrait finir au au pire deuxième, mais je pense que de toute façon ils seront deuxième. Après, s'il doit y avoir une surprise, ça sera contre les Anglais. Mais non, je les vois globalement deuxième, et puis après les Anglais 3 et les Canadiens 4. Ok, et Benoît, j'ai l'impression que personne n'est trop chaud pour me sortir une grosse surprise d'entrée dans ce groupe A, et j'imagine que toi non plus. T'inquiète, des dingueries, je vais en sortir plus tard. Et non, je suis d'accord, je partage totalement vos analyses. En fait, je trouve même que Chiasso, Lane Vendy, c'est deux paires qui auraient tendance à se ressembler dans le jeu, sauf que Chiasso font vraiment tout mieux. Ça va être un match probablement sympa à voir, hein. Mais je vois vraiment 2-3 classes d'écart quand tu joues contre une paire qui est proche de toi, mais qui, en termes de qualité de jeu, fait tout mieux. Pour moi, il y aura zéro débat et ce sera 1-2-3-4 avec Lane Vendy 3 et Dong Yakura 4. Ouais, moi j'ai le même avis que vous tous, du coup, le même classement. Là où je serais peut-être un peu différent de vous, c'est que je pense que Chiasso vont être plus proches de la première que de la troisième place. Je pense qu'ils vont finir deuxième, mais je pense qu'ils vont faire un gros match et ils vont inquiéter Liang Wang. Par contre, je pense pas qu'ils soient inquiétés beaucoup par Lane Vendy, mais je pense que malgré un bon match de Chiasso, je vois encore les Chinois au-dessus. Même si, et ça je vais pouvoir le dire à peu près sur toutes les paires de ce tableau, Liang Wang, c'est pas l'assurance tout risque sur cette saison, hein. Ils sont passés quelques fois à côté, mais en même temps, comme je viens de le dire, personne n'a été vraiment parfait sur cette saison de double homme, et c'est ça qui rend ce tableau si incertain et si sympa à voir. Donc voilà, je vois le même classement que vous quand même. Sur le fait que sur l'année 2024, ça a été un peu le bazar en fait dans le tableau de double homme. Ouais. Où il n'y a aucune paire qui a surperformé, qui a vraiment roulé sur tout le monde, ou même qui, à 80%, a gagné tous ses matchs. Et ça a été par phase, par thème, mais personne ne ressort en fait finalement en disant on est sûr que celle-là va gagner ou va rouler sur tout le monde. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, c'est un peu par étape en fait. Le double homme, c'est. T'as une paire qui va performer sur 2-3 tournois, qui après va perdre au premier tour, une autre paire qui va performer sur 2-3 tournois, et ainsi de suite. Donc c'est bah là, pour le coup, je trouve que c'est très compliqué de savoir, savoir vers quoi on va arriver sur les médaillés. C'est clair. Et c'était déjà un peu le cas à Tokyo, sauf que j'ai l'impression qu'à Tokyo, il y avait quand même des paires qui se dégageaient un peu plus. Et j'ai l'impression que le niveau global était peut-être un peu plus élevé. Le double homme, ces derniers temps, effectivement, c'était un peu à qui ferait le moins de board et qui ferait le moins de contre-perf, comme vous l'avez dit. Donc, le niveau est peut-être pas le plus haut qu'on ait jamais eu, mais l'incertitude le rend très intéressant. Et je pense que, peut-être pas tout le temps dès les poules, mais je pense qu'à partir des sorties de poules, on va avoir des matchs avec du gros gros niveau. Je m'en fais pas trop, mais effectivement. Pour le coup, cette poule n'est pas la plus incertaine, mais il y en a d'autres qui vont être un peu plus dures à décider. Dans le groupe B, on retrouve nos Français Christo et Thomas Junior Popov. Qui affronteront-ils ? Ils affronteront Kang Seo, les champions du monde coréens qui sont tête de série 4, les Thaïlandais Jomko et Kedren, ainsi que les Tchèques Kral Mendrek. Tiens, on va faire l'ordre inverse et cette fois je vais commencer par toi, Benoît. Benoît, d'ailleurs, me semble-t-il, tu m'as dit qu'ils n'allaient pas gagner le match et moi je suis pas d'accord. Je pense qu'ils doivent battre les Tchèques. Est-ce que tu as changé d'avis ou tu es en mode ils vont toujours gagner zéro match? Je pense qu'il y en a que David aura plus de billes que moi. J'ai hâte de l'écouter, mais pour moi ils vont pas gagner le match. Hein. Franchement, Kral Mendrek. Bah oui, ok, ils étaient chapeau 4 et tout, mais moi, je vois pas les Popov gagner un match. Et cette poule, franchement, quand t'es Kang Seo et que t'as vu le tirage, tu t'es frotté fort les mains, parce que vraiment, j'ai envie de te dire que s'il arrivait un énorme accident et que tu lâches le match contre Jomko Kedren, même là, t'as une assurance tout risque de sortir de poule. Pour moi, il y a zéro débat sur le fait que Kang Seo et Jomko Kedren vont sortir de cette poule. Ok, donc ouais, classement Corée du Sud, Thaïlande, République Tchèque, France. Tout à fait. Selon toi. Et ouais, et même pour aller dans ton sens, même sur Jomko Kedren, qui sont les plus proches de Kang et Seo, il y a quand même un monde entre ces deux paires. Donc je suis d'accord avec toi. C'est pour dire qu'ils sont un matelas qui est assez, qui est assez incroyable. Moi, j'ai plus ou moins dit ce que je pensais, donc je vais continuer mon classement. J'ai la même sortie de poule que toi. Je pense que, allez, les Popov vont y croire. Un demi-set, allez, trois quarts de set contre Jomko Kedren, Oh là là. mais qui vont le perdre. Donc j'annonce Kang Seo, Jomko Kedren. Mais je pense que les Popov vont quand même battre les Tchèques. Et que donc ils vont sortir troisième, les Tchèques quatrième. David, je vais te donner la parole parce que c'est vrai que on en parlait juste avant d'enregistrer. C'est un des premiers trucs que tu nous as dit, c'est l'écart des classements dans cette poule B. Il est quand même assez incroyable et assez en la faveur des Coréens. Bah ouais, on a les Coréens qui sont top 4 mondiaux. On a après les 24e avec les Thaïlandais, les 39e avec les Français, les 48e avec les Tchèques. Donc c'est la poule la plus déséquilibrée à mon sens. Pour moi, il n'y a pas photo non plus. Les Coréens vont finir premier. Les Thaïlandais, pour moi, deuxième. Et par contre, moi, je suis du même avis que Benoît. Je pense que jamais. Je pense honnêtement que les Popov, ça passe pas contre Kalmendrek. Je trouve que les Tchèques, ils ont en plus le jeu pour embêter les Popov, qui ont quand même, je trouve, moi, des difficultés à reprendre l'attaque en double homme. Et contre Ouais. les Tchèques, qui sont deux joueurs très toniques, très, très agressifs et tout. Bon, après, il y a aussi l'effet du public. Donc, Ils les ont battus on aussi. ne sait Je pense que jamais. ça va jouer. Les Popov mènent 1-0, mais. Donc, oui, ils les ont battus. Les Popov mènent 1-0, mais visiblement ils se connaissent parce que je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai vu les Tchèques tourner. Alors je sais plus si c'est en France ou si c'est avec des paires françaises. Ouais. Non, moi je pense que c'est troisième les Tchèques et je mettrai quand même. Je suis désolé pour les auditeurs, mais je mettrai les Popov quand même en quatrième. De toute façon, oui, de toute façon, moi je pense que ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Popov contre les Tchèques. Après, effectivement, l'issue, vous ne voyez pas la même que moi. J'ai envie de dire, ça reste. Personne ne les voit. Enfin, en tout cas, on va attendre Guillaume, mais personne d'entre nous trois les voit sortir. Donc, ce serait, j'ai pas envie de dire anecdotique, mais visiblement, je pense que si le calendrier est fait logiquement, ils vont les jouer en dernier, les Tchèques, quand les deux paires seraient a priori éliminées. Donc, effectivement, il y a quand même un gros écart de niveau dans cette poule. Et toi, Guillaume, allez, est-ce que c'est le moment où tu nous annonces que les Popov vont sortir de poule ou pas? J'aurais bien voulu, mais non. Non, non, non, il y a peu de chance, soyons honnêtes. Hein. Après, tu as dit quelque chose d'intéressant qui va être le calendrier. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne sais pas s'il est défini en fonction des jours. Quand est-ce qu'ils vont jouer les différentes paires? Est-ce que même Kang Seo aura déjà fait 3 ou 4 matchs, enfin, surtout Seo aura déjà fait 3 ou 4 matchs, soit en double mix, soit en double homme, à quel moment ils vont les jouer finalement les pop-off? Est-ce que. Thomas sera déjà enfin, qualifié ou pas en simple si jamais il fait des bons matchs en simple. Donc est-ce qu'il va peut-être se dire tiens je force pas non plus sur le double et donc dans ces cas-là peut-être pour la troisième ou quatrième place il va peut-être laisser filer. Donc il y a beaucoup d'inconnus pour moi pour le calendrier mais en tous les cas pour les deux premiers oui ça sera Kang Seo et Jomko Kedren. Voilà, en fonction du calendrier, si Thomas est un peu fatigué ou se préserve pour le simple, et ben il laissera sûrement filer le double et ce sera quatrième. Mais sinon, s'il a un petit peu de motivation, je les vois gagner contre Kramendak. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que là on a deux mecs, en l'occurrence Thomas et Seo, qui jouent dans deux tableaux. Et c'est vrai que c'est surtout important pour Thomas Junior Popov, parce que son troisième match, effectivement, finir troisième ou quatrième en double homme, si ça peut influer sur une de ses perfs en simple, ou alors s'il a joué en simple la veille et qu'il a fait trois gros sets, je pense que c'est pas le match qui sera le plus important pour lui. Donc c'est intéressant de relever ça. Côté Seo, lui c'est différent, parce que lui, s'il joue pas la troisième ou la quatrième place, mais s'il joue la première ou la deuxième contre Jomko Kedren, il a tout intérêt à finir premier et éviter les énormes tirages qui se profilent, même si tu peux te prendre aussi un énorme tirage en finissant premier. Donc effectivement, ça peut jouer. Voilà. Est-ce que un d'entre vous a quelque chose à rajouter sur les pop-offs ou sur cette poule B? J'ai une petite question à vous poser, moi, sur cette poule. Si vous êtes CO, est-ce que c'est pas un tirage royal quand vous jouez deux tableaux? Moi, je sais que bah, vous le savez pas encore parce qu'on a tourné la preview juste avant, mais quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, ok, là, c'est potentiellement deux médailles sur ces deux tableaux parce que justement cette poule du double homme était clairement en dessous de ce que ça aurait pu être pour eux. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui va jouer ou pas du tout? Alors, moi, je pense que, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais Ouais. pour moi, c'est la voie royale pour lui, pour la double médaille. Ok. Là, le double homme, je ne les vois même pas en difficulté contre les Thaïlandais. Donc, pour moi, ça va être 2-7 contre tout le monde. Et moi, on en reparlera, mais moi, je les mets dans mes médaillés en double homme. Donc, okay. Donc oui, pour moi, il aura probablement double médaille au JO. Pas impossible, mais on en reparlera à la fin. La sortie des quarts, elle va faire mal quand même. C'est pas clair. Un match facile en quart. Hein. C'est clair. Et quel que soit le deuxième qu'il y aura dans les groupes qui va se taper, que ce soit A, C ou D. Mais tu peux reprendre Jomko Kedren. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vraiment tirage. Alors, parce qu'en fait, t'as juste le groupe A et le groupe D, donc le vainqueur de chaque groupe sera en haut et en bas. Groupe B et groupe C, le premier est tiré au sort pour savoir dans quelle partie de tableau il est. Et ensuite, tous les deuxièmes sont tirés au sort pour savoir quel premier il joue. Mais potentiellement, on a un scénario où tous les premiers rejouent leur deuxième. Là, ce serait vraiment Kang Seo, là, ce serait vraiment la voix, mais même plus royale, quoi. Oui. Ouais, donc on en parlera après. En effet, il y a peut-être Jomko Kedren qui sera un poil plus faible que les trois autres deuxièmes. Et bon, ça dépendra qui le prendra. Oui. Benoît, moi, pour tempérer un peu ce que tu dis, ce que tu disais sur le tirage, je suis d'accord qu'il a un tirage favorable. Plutôt favorable dans les deux tableaux et surtout là en double homme, mais je pense que le niveau va tellement s'élever à partir des sorties de poule que je pense que par exemple tu vois, imagine il arrive en demi dans les deux tableaux et qu'il joue deux énormes quarts, et ben je pense que le fait qu'il ait passé beaucoup de temps sur le terrain en poule, je suis pas sûr que c'est vraiment un énorme impact. Je pense que autant en mixte on se disait la compétition va commencer dès les poules ça va être décisif, autant là, à part le groupe D et on en reparlera, je trouve que la compétition va vraiment commencer en quart, donc c'est là que la vérité je pense du niveau de chacun sera plus visible, surtout pour Kang Seo qui n'ont pas besoin d'élever grandement leur niveau je pense pour sortir de cette poule. Et si les Popov veulent sortir le niveau de leur vie et les battre, pourquoi pas, on n'est pas contre. On va passer au groupe C, et là, il va falloir que je fasse juste une petite explication si vous n'avez pas suivi le BAD au cours des derniers mois. Normalement, pour se qualifier, si t'es pas dans les premiers du classement mondial, dans les 8 premiers en l'occurrence, il faut être le meilleur, le mieux classé de ton pays. Les Popov et la barre corvée étaient longtemps au coude à coude, et on a cru après les derniers championnats d'Europe que c'était bien les Popov qui avaient validé leur billet pour les Jeux. Ils ont fêté ça, tout ça pour que la BWF nous dise qu'il y avait une erreur de calcul sur un tournoi il y a des mois, et que finalement c'est les Popov qui y vont et pas eux. Lucas Corvée, Ronan Labarre, surtout Ronan Labarre qui a annoncé qu'il arrêterait sa carrière après ou sans les Jeux s'il y allait pas. Bah évidemment c'était la douche froide, ils ont tout fait pour y aller, mais à côté de ça ils ont pas beaucoup joué au BAD et en tout cas ils se sont alignés sur aucun tournoi pour que finalement le tribunal arbitral du sport leur donne raison et oblige la BWF à les réintégrer dans le tableau, mais très très tard hein, puisque c'était juste avant le tirage au sort que l'on a appris cette nouvelle. Ça a pris des mois puisque la fin de qualif c'était en mai, donc vous imaginez bien que ça a été des semaines voire des mois d'incertitude pour Corvée Labarre. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de choix entre les paires françaises. Finalement la BWF a, on peut le dire, assumé son erreur finalement, ils ont été un peu obligés, vous allez me dire, par le TAS, et a donc mis deux paires françaises, ce qui n'aurait pas dû arriver, deux paires françaises alors que d'habitude on en avait zéro, donc finalement on est vraiment en plein boom côté français en double homme. Du coup, il n'y a pas eu 16 paires mais 17, c'est pour ça que vous allez voir que le groupe D comporte 5 paires et non 4, mais surtout ce qui n'a pas été compris, et on va y revenir après par beaucoup, c'est qu'aucune des deux paires françaises n'est dans ce groupe de 5 finalement, ce qui était ce que beaucoup de personnes pensaient, finalement ça n'a pas été le cas puisque la BWF n'a pas fait ce choix. C'est pour ça que, d'ailleurs avant de dire le groupe, de parler on va le faire à la fin plutôt, excusez-moi, c'était un peu confus, mais on va d'abord parler de ce groupe C, ensuite du groupe D, et on parlera de ce que vous en pensez, puisque ça a un impact sur le groupe D, c'est pour ça qu'on attendra d'en parler. Juste, on va se concentrer sur le sportif et ce groupe C, avec, du coup, je le disais, Lucas Corvée et Ronan Labarre, la deuxième paire française. Ils sont avec les Allemands Lamsus Seidel, Ranki Reddishetty, les Indiens, tête de série 3, et les Indonésiens Alfian Ardianto. David, tu vas être le premier à te prononcer. un peu pareil que dans le groupe A et même d'ailleurs que le groupe B, c'est que là on a quand même deux paires qui ont l'air quand même largement au-dessus des deux autres, à savoir indien et indonésien. Mais du coup j'aimerais bien savoir, si jamais tu vois la chose de la même manière que moi, qui tu vois au top entre ces deux paires et qui tu vois l'emporter entre français et allemand. Alors je vais pas être, ça va pas vous surprendre quand vous me connaissez. Pour moi les premiers, ça sera les Indiens, que je vais pas en plus mentir, c'est ma paire préférée et c'est ceux qui pour moi sont capables d'être prêts sur ce rendez-vous. Ils aiment bien en plus la France, donc je pense que effectivement ils vont être premiers. Et pour apporter un peu de l'eau à ton moulin, ils aiment la France, effectivement, ils ont gagné les IFB dans la salle des JO, donc c'est un bel argument pour ce que tu avances. Exactement. Après, Lampfe Seidel, ça va dépendre quel Lampfe Seidel on va trouver, parce que là, ils sont, si je dis pas de bêtises, ils sont 31e. Honnêtement, à leur meilleur niveau, je pense qu'ils sont bien meilleurs que ça. Si c'est les Lampfe Seidel qui ont percé, etc., et que c'est ce niveau-là, moi je les vois quand même capables de surprendre les Indonésiens. Bon, je ne pense pas qu'ils seront à ce niveau-là parce qu'il y a eu pas mal de blessures quand même. Je dirais le Flan Ardianto avec les Allemands en 3e et les Français 4e. Moi ce que je regrette, c'est que Ronan n'ait pas été mis avec Lane Wendy et Astrup Rasmussen. Je trouve ça dommage, ça aurait été sympa à regarder sur le terrain et à entendre surtout. Mais non, je dirais oui, je dirais premier les Indiens, deuxième les Indonésiens. 3e les Allemands et 4e les Français. D'accord. Guillaume, qu'en penses-tu ? Pas pareil. En fait, même analyse. Je ne me rappelle plus, c'est Lampfus hein, qui a été blessé. Yes. Oui. Ça lui coûte la qualif en mixte hein, d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est ça. C'est assez dur hein, parce qu'en effet, ils ont été, quand je regarde sur le site AWS, 11e mondiaux. Leur meilleure place. Donc la 31e, clairement, c'est à cause de leurs blessures. Et de mémoire, les dernières sorties n'étaient pas extraordinaires. Donc oui. Ça... Déjà, à cause de sa blessure, il n'y en a pas eu beaucoup des sorties. Oui, aussi. Donc ça va sûrement passer si ça a à peu près remis contre Corbet-Labarre. S'il joue sur une jambe, non. Même Corbet-Labarre arriveront à les battre. Il y a quelque chose, il y a quand même un petit peu de chance. Par contre, après derrière, pour la place premier deuxième, je vois aussi Randy Ricchetti passer en premier, mais on n'est pas à l'abri quand même d'une mauvaise surprise parce qu'ils ont été quand même, comme à peu près tout le monde, très irréguliers ces derniers mois. Donc en effet, ils ont gagné les IFB, mais des fois des belles sorties de route, comme la finale Ardianto aussi. Ouais. Donc ça peut faire des très beaux matchs, comme ça peut nous faire des quand même surprises entre ces deux-là. Ce match-là va être sûrement intéressant. C'est clair. Moi, Benoît, je vais te donner la parole. Juste, pour moi, la différence de niveau entre le groupe des deux, indonésien, indien, et les autres est abyssale. Parce que déjà qu'en temps normal, on va dire, entre Européens et Asiatiques dans cette poule, la différence aurait été assez marquée, mais là, quand même, les Asiatiques qui prennent Corbet-Labarre, qui n'ont pas beaucoup joué, qui s'entraînaient même plus, et qui étaient plus concentrés sur le fait d'aller au JO que de les préparer s'ils étaient qualifiés, et Lampfus Seidel, avec Lampfus qui a été blessé énormément ces derniers temps, Seidel, il a même joué avec d'autres gens parce que bah, il s'ennuyait, et Lampfus, on ne sait absolument pas à quel niveau il va être, et voilà, on l'a pas beaucoup vu jouer, donc pour moi la différence va être vraiment incroyable. Je ne sais vraiment pas quoi dire sur le match entre Ranky Reddishetty et Alfian Ardianto, parce que effectivement les Indiens ils ont gagné les IFB, mais depuis c'est vraiment pas fou. C'est pour ça que je vais tenter la petite surprise et dire Alfian Ardianto premier, qui me semble être, même s'ils ont eu des moments difficiles, sur une dynamique légèrement plus positive. Mais je pense effectivement que la préparation largement tronquée de Corbet-Labarre va leur coûter cher et qu'ils gagneront pas de match et qu'ils vont finir quand même derrière les Allemands qui, on va dire, ont quand même un niveau moyen, un niveau palier plus élevé, je trouve. Voilà. Benoît, qu'est-ce que t'en penses ? Bah, je suis un peu comme vous. En fait, j'ai eu du mal à trancher entre Ranky Reddishetty et Alfian Ardianto. Honnêtement, Alfian Ardianto, on aurait dit ça il y a 6 mois. J'étais là en mode, il n'y a pas match, parce qu'ils étaient vraiment dans un creux de vague, et encore, je reste sympa. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le cas, et je pense que ça va être vraiment un très très beau match. Mais je vois quand même les Indiens, et je pense que Corbet-Labarre, ça va être la seule paire française de double homme qui gagne un match au jeu. Ça me fait mal au cœur parce que Lamsus, il a clairement porté, je trouve, le double tout court en Europe ces dernières années. Et bah, après, pour être très transparent et très honnête, ce qui se dit en coulisses, bah, on n'est même pas sûr qu'il sera là après Paris. Hein, tellement son genou, il est en vrac. Donc en fait, je suis... Ouais, bah, Isabelle Loh joue déjà avec un nouveau partenaire. Enfin, ils ont démarré un nouveau partenariat avant les Jeux. Ça pue et ça me fait mal en fait de me dire que potentiellement il va venir jouer sur une jambe comme a pu le faire Chouffé il y a 4 ans, enfin il y a 3 ans. Et j'espère que ce sera pas le cas, mais je pense franchement que s'il joue sur une jambe, bah, même comme ça, tu bats pas Corvée-Labarre, enfin, faut pas déconner. Ouais, mais Corvée-Labarre en quelle forme? Ça, c'est la question. Je suis curieux, moi, vraiment. Ouais, mais au moins, je veux dire. De savoir. Pas blessé, quoi, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Voilà, on va passer au groupe D, mais comme je vous l'ai dit, on reviendra un peu sur l'affaire Corvée-Labarre, BWF et tirage au sort. Groupe D donc composé de 5 paires avec Astrup Rasmussen, deuxième mondiaux quand même, je sais même pas si on l'a dit dans ce podcast, mais quand même Astrup Rasmussen qui sont montés jusqu'à la deuxième place mondiale. Si on nous avait dit ça il y a quelques années, je pense qu'on n'y aurait clairement pas cru. Liu Hu, les Chinois 9e mondiaux, qui se sont qualifiés assez à l'arrache, hein, puisque maintenant ils sont derrière au ranking, derrière Eren, mais pour la qualif ça a suffi. Li Wang, 11e mondiaux et accessoirement tenant du titre. Oki Kobayashi, 7e mondiaux. Et les Américains, Chu Yuan, qui sont 47e mondiaux. Donc voilà, 4 grosses paires, des gros clients, et les Américains qui, a priori, devraient passer un sale quart d'heure. Guillaume, celle-là, pour le coup l'identité des qualifiés était quand même assez facile à deviner, en tout cas, mais, sauf grosse surprise pour les 3 premières poules. Autant celle-là, il faut vraiment se mouiller pour savoir les 2 paires qui vont passer, donc bah, je t'invite à le faire en premier. Non, pas ça, voilà. Ouf. Dur, très on très, t'a filé très, la patate chaude. Sale... Ah ouais, mais là, c'est le sale groupe, hein, c'est horrible. Et d'ailleurs, bah, Astrup, il a dit, enfin, travaille sur son poste. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir justement réussi à être tête de série, à se taper ce groupe-là. Et il a pas tort. Donc là, je vais déjà dire quelque chose qui va voilà, poser un petit postulat qui va être, je pense qu'aucune paire ne va gagner tous ses matchs. Là, ouais. Ok. Ah, j'aime bien. Ça va être. Mm-hmm. Ouais, non, ça c'est sûr, parce que ça va être trop dur. Ils vont être cramés à un moment donné. Par contre, je vais vraiment mouiller et je vais mettre mes favoris. Astrup Rasmussen vont sortir. Enfin, qui vont sortir, qui vont même être premier. Cool. Wow, ok. Je pose. Ah ouais, non, là, je les pose là. Ok. Je pose là et je pose même un gros truc en deux. Je mets Li Wang en deux. Waouh! Oh, j'aime bien. Mais en fait, je vais être comme ça. Moi, je vais réagir comme Benoît à tous les pronostics parce que les scénarios me paraissent fous. En vrai, franchement, si le tournoi c'était juste cette poule, je serais chaud. Ça va être incroyable. Je mets Liu Hu en 3 et Oki Kobayashi en 4. Ok. Franchement. Liu Hu en 5 parce que bon, les pauvres, ils vont prochain. Ouais, ils vont se régaler. Ça va être sympa. Les gens. Je sais pas comment sont programmés les matchs, encore une fois, mais. Ouais. Mais les gens qui ont des billets pour cette dernière journée de poule dans le groupe D, ça va être franchement ça va être incroyable. Tous les matchs, voilà. Donc Astrup Rasmussen et Li Wang qualifiés. David, à toi. Alors, moi je vais plus ou moins être d'accord, sauf que je vais interchanger le 1 et le 2. Je pense que Li Wang vont finir premier. Oh putain. Je mettrai mes amis danois en deuxième. Je mettrai Oki Kobayashi en troisième. Liu en 4. Et la paire américaine qui, je tiens à le préciser, pour moi n'est pas la meilleure des deux paires américaines. Enfin, c'est la seule paire qualifiée, mais des deux paires qui suivent. Donc du coup, les Américains en 5. Et je pense que Liu ne battront que les Américains. D'accord. Bah, en tout cas, l'autre paire... américaine à laquelle tu fais référence, ils doivent être bien contents quand ils voient ce tirage de rester à la maison, je pense. Mais bon, ils doivent se dire, finalement, on a peut-être évité une petite dinguerie, une petite humiliation publique là. Donc, Smith Chen, ils ont évité un truc. Benoît, je finirai avec mes pronostics, mais il y a peut-être moyen qu'on ait tous les quatre des qualifiés différents. Vas-y, je t'écoute. Ouais, franchement, j'ai pas de doute sur le fait qu'on ait des qualifiés différents. Quand je vais annoncer les miens, j'ai bondi sur les vôtres, mais moi aussi, j'ai Li Wang. J'ai Li Wang en deux parce que, en fait, on l'a vu ces derniers mois, ils sont désintéressés par le bad mondial, sauf quand il y a énormément d'enjeux. Et très clairement, je pense que défendre leur titre olympique, ça va être le... Franchement, je serais peu surpris qu'ils fassent des énormes JO et que derrière, y en a un Wang Shilin qui se remette à la musique ou quoi. Donc, je vois bien Li Wang passer, mais je les vois deuxième. Et moi, mes premiers, c'est Li Yu Hu. Ça peut paraître fou au vu du niveau ces derniers mois. Mais Li Yu, quand il est arrivé à Tokyo, on se disait... Ouais, ok, c'est un épouvantail, mais il joue avec un mec qui est quand même à moitié cassé. Et ils font quand même... Franchement, ils peuvent pas faire mieux, je trouve, sur ces JO. Ils tombent juste contre une paire qui est injouable. Et franchement, je pense que son expérience va faire une grosse différence. Ça m'embête un peu, mais je pense qu'Astrup Rasmussen ne vont pas gagner un seul match. Enfin, ils vont battre les Américains. Mais je les vois faire 4. Eh ben, waouh, c'est incroyable. Quoi qu'il arrive, ce sera des scénarios de fou dans cette poule, je suis d'accord avec vous, je pense. Ouais. moi, du coup, je suis quatrième à me prononcer, j'ai un quatrième scénario différent. Ok. Je crois que personne d'entre vous n'a vu Oki Kobayashi passer, alors que moi, je les vois premiers de cette poule. Waouh, ah ouais, bah, ok. Devant les Danois à l'arrache. Astrup Rasmussen qui passe deuxième parce que maintenant ils sont beaucoup plus costauds, ils arrivent à enchaîner les matchs contre des grosses paires et quand même à être bons à chaque fois. Donc je pense que ils vont passer deuxième. Derrière, je mettrai Liu Hu qui mettent pas vraiment un pied devant l'autre en ce moment, mais s'ils étaient de n'importe quelle autre nationalité, je les mettrais après les Américains peut-être. Mais là, je pense qu'ils vont quand même être pas si mauvais. Li Wang, honnêtement, ils ont fait des éclairs ces derniers temps, mais je les vois pas du tout capables de, j'allais dire, de défendre leur titre, mais même de... Peut-être dans une autre poule, je les aurais vus deuxième, mais là, il y aura clairement pas la place et ils sont pas capables d'enchaîner les gros matchs, selon moi. Et évidemment, les Américains, cinquième. De cette poule, donc voilà, c'est, j'avais dit incertitude, vous avez vu auditeur, auditrice, qu'on est quatre et qu'on a quatre avis, et même pas un peu différents, pour le coup totalement différents, donc ça va être, je pense que ça va être tout simplement passionnant. Effectivement, beaucoup, en voyant ce tirage, des voix se sont un peu élevées, parce que les quatre, en tout cas, on va dire même les cinq paires, aucune n'est concernée par ce qui s'est passé avec les deux paires françaises. Et normalement, avec des groupes, si c'était un groupe de quatre, t'as quand même moins de chances de taper ce genre de tirage. Mais le groupe de cinq, forcément, ouvre ce genre de dérive, puisqu'il y a quand même que deux qualifiés. Et en plus, tu dois jouer un match de plus que les autres, ce qui, pour le coup, dans une compétition si resserrée, n'est pas du tout un avantage. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par toi, Benoît, et après je me tournerai vers nos invités, mais un peu surtout, tu vois, sur le fait qu'ils aient choisi d'envoyer les deux paires françaises, mais qu'ils les mettent pas dans ce groupe de 5, et que du coup ça déséquilibre un peu, et que ça fait réagir les joueurs. Je crois que c'est Guillaume qui a parlé de la réaction d'Astrup, qui a été plutôt mesurée, mais Wang Shilin, lui, il a été beaucoup moins mesuré, parce qu'il a parlé même de, avant le tirage, il parlait de loterie. Et finalement, il a perdu à la loterie, le pauvre, puisque là, il se prend un groupe de la mort. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais essayer d'être bref, parce que je suis aussi curieux d'avoir vos avis. Mais pour moi, la sortie de Wang Shilin, elle est trop facile. En fait, il faut savoir que du coup, dans cette poule, il y a deux chapeaux 4. Donc, Li Wang et Chu Yuan. C'est la faute de personne si Li Wang ne met pas un pied devant l'autre et ne sont que chapeau 4. En fait, cette poule, ils auraient pu la tirer presque dans tous les cas, qui est la barre corvée ou pas. Du coup, pour moi, c'est vraiment un sujet à part. C'est un sujet en mode, t'as qu'à être meilleur et c'est trop facile de se plaindre maintenant. Bon, hormis ça, presque tout ce qu'il y a autour se comprend. La réaction d'Astrup, la plainte de la barre corvée, le soutien de la Fédé. En fait, je trouve que tout se justifie. Et ce qui est au cœur de ça, pour moi, c'est la BWF de A à Z. Et c'est là où aussi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Parce que cette erreur de classement, on va pas se mentir, elle a été annoncée bien avant qu'elle soit corrigée. C'est-à-dire que 6 mois avant la fin de la qualif, la BWF savait qu'il y avait eu des erreurs de classement. C'est fou de se dire que ça a été corrigé après la fin de la qualif. Ça paraît totalement lunaire. Et moi, c'est la com. Genre, je passe des détails et tout. On en avait déjà fait un épisode, mais la com finale de « on se place en victime, le TAS nous laisse pas le choix »,« ah ben on va les réintégrer du coup puisqu'on n'a pas le choix ». Enfin attendez les gars, pour moi ils n'ont même pas assumé leur erreur. C'est qu'ils ont dit « ah ben on nous laisse pas le choix, on nous met au pied du mur, ah ben on va faire ce que le TAS a recommandé » et se positionner en tant que victime. Enfin vraiment la BWF pour moi c'est… Franchement j'ai vu des codep faire des trucs où tu te disais c'est de l'amateurisme, mais vraiment ce qu'a fait la BWF… C'est ridicule pour notre sport de A à Z. Et franchement, ça m'a vraiment gavé que ça arrive aux Jeux de Paris et que ça arrive surtout à des paires françaises. Désolé pour David, quel est ton... ouais, t'avais dit que t'allais faire court, Benoît, mais tu l'as bien mis à l'envers là sur ce coup, j'ai l'impression. David, quel est ton avis sur la question? Je sais que toi, tu étais assez révolté par ce qui arrivait à Corvée-la-Barre. Finalement, ils sont réintégrés, mais très très tard. Est-ce que... pour toi, tu es satisfait pour eux et qu'est-ce que tu penses de notamment ce qui arrive au père du groupe D? Alors, moi je suis bon, forcément je suis content quand même pour les Français, même si c'est arrivé très très tard. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont bien énervé. Bon, déjà c'est enfin l'amateurisme de la BWF sur le calcul des points, sur le fait de l'annoncer en toute fin de course, en sachant que la barre corvée ont quand même été se faire, enfin je vais pas dire de vulgarité, mais se sont embêtés à aller jusqu'en Azerbaïdjan ou je sais plus où pour aller chercher leur qualif, etc. Après sur les réactions, bon, Astrup a été plutôt zen, je trouve. Après pour Wang, moi ce qui me pose problème en vrai, c'est que quand tu regardes le classement mondial, et là je prends pas la race, hein, je prends vraiment le classement mondial, dans la poule D on a les 2e, les 7e, les 9e, les 11e et les 47e, c'est-à-dire que les 11e se retrouvent dans une poule avec 2-7-9, quand dans la poule B t'as 4-24-39-48, donc ouais. Je me dis que déjà là il y a un problème. Je trouve que c'est pas du tout équilibré. Évidemment, pour moi, il aurait fallu mettre une paire française dans la poule de 5. Après, je trouve que même là, le tirage des poules prouve que la BWF fait preuve d'un amateurisme. Enfin, voilà quoi. Même la Fédération mondiale de pétanque, et j'ai rien contre les joueurs de pétanque. On est dans ces niveaux-là, quoi. C'est catastrophique de faire ça. La réintégration des Français, moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois les réactions que ça a suscité au tirage, etc. Ça m'a fait de la peine pour les paires françaises. Voilà. Après, oui, la BWF se rattrape, mais elle a un peu rattrapé ça en mode bon, bah, on nous y oblige, c'est pas de notre faute, on est obligé de mettre les deux paires françaises, alors que c'est de leur faute. Voilà. C'est clairement leur problème à eux. Donc oui, moi c'est vraiment, comme disait Benoît, c'est l'amateurisme qui me rend fou sur cette histoire, et puis le fait que bah Ronan et Lucas ils vont arriver sans préparation quasiment, et ça fait mal à notre sport. Ça biaise quand même pas mal de choses, et le tirage biaise aussi pas mal de choses. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais c'est intéressant ce que vous avez dit tous les deux, et Benoît l'a mentionné. C'est vrai que je comprends ce que tu dis, David, sur les classements, mais pour le coup, c'est vrai que c'est même une autre affaire, parce que même sans cette affaire, on aurait pu avoir ce tirage avec 2, 7, 9, 11 et la poule B de l'autre côté où il y a des classements après la 30e place. C'est vrai que est-ce qu'il faudrait pas un format où il y a deux têtes de série par poule pour protéger au moins les membres du top 8? Je pense que ça pourrait effectivement s'entendre, mais ça, c'est j'ai envie de dire, c'est même une autre question par rapport à ce qui se passe là. Et là, du coup, le fait que ce soit une poule de 5, en plus, ça déséquilibre encore plus tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que moi, de prime abord, je me dis aussi, ouais, bah c'est vrai que Corvée-la-Barre, ils auraient dû être dans la poule de 5. Et après, je me dis, bah oui, mais pourquoi les sanctionner, entre guillemets, en les mettant directement dans la poule de 5, alors que c'est pas de leur faute? Donc, Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et sur ce que tu as dit à la fin, David, je suis aussi d'accord. C'est vrai que d'une corvée la barre, ils arrivent sans préparation. Et maintenant, tu as l'impression un peu dans les réactions, pas des joueurs hein, pour le coup, mais plus des fans, que les deux paires françaises sont un peu les hommes à abattre, comme si c'était de leur faute, alors que ils sont victimes de ce qui s'est passé. Et corvée la barre, ils ont eu bien raison de militer pour leur cause et de tout faire pour être réintégrés. Et les Popov, évidemment, n'allaient pas lâcher leur place. Donc ils se retrouvent dans une position difficile. Et en plus, quelques réactions, je crois que c'était côté en Asie notamment, où on fait un lien entre le fait que indonésien, alors qu'on n'est même pas concerné dans cette poule, mais on se dit, ah bah tiens, les JO, ils sont en France, comme par hasard, on favorise les Français. Bon. Comme si on se battait pour en France pour être qualifié, alors qu'on se bat plus pour ne pas perdre, enfin pour gagner un match. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? On a dit beaucoup de choses. Où est-ce que tu te situes? Vous avez dit un mot qui est amateurisme, tous, et en effet, c'est vrai, c'est un immense amateurisme de la BWS, WWF, et moi j'ajouterais un mot, c'est arrogance. En fait, c'est l'arrogance de la Fédération internationale qui a dit oui, on a fait une erreur et en fait on s'en fout. Et bah, tant pis. C'est vraiment ça. C'était vraiment rien à battre. On est les plus forts. C'est nous qui décidons. Et puis, en gros, fin du débat. Et je suis très content que Corvée Labarthe se soit battu, comme d'autres se sont battus également dans d'autres sports. Et qu'après, derrière, soit le CNOSF, soit le TASS, en effet, leur donne raison. Et qui mettent bien dans la merde les fédérations qui, comme ça, se croient supérieures, en fait, au jeu. Tout simplement, aux jeux et aux joueurs. Et donc là, ils se sont bien fait eu et passé de leur faute. Ils avaient, comme a dit, je crois, Evan, ils savaient depuis longtemps, ils auraient même pu faire des gestes après la crélie, enfin, après justement le fameux moment où ils ont tout recalculé en disant en effet, on a fait une erreur. Et donc, il y avait moyen, il y avait des. Je l'ai dit suffisamment sur le Discord, j'ai dit bah ouais, il y a quand même des wildcards hein, en simple. Je pense que si jamais on avait filé une wildcard à Christo en simple, ils auraient pu la négocier en disant bah, vous lâchez le double si Christo il a sa wildcard en simple, vous lâchez le double et ça donne à Corvée la barre la place de double. Je pense qu'ils auraient alors, sauté, ils auraient applaudi des deux mains, ils auraient dit ok, aucun souci. Ça c'était possible, ils ont entièrement la main sur le wildcard. Ils n'ont pas voulu en disant non, on est plus fort et puis tant pis pour vous. Bah, maintenant ça s'est retourné contre eux et j'espère qu'ils ne feront plus cette erreur-là, même si ça c'est vraiment une erreur exceptionnelle. Pour le futur. Et oui, et c'est intéressant ce que tu dis parce que notamment ce que je disais tout à l'heure sur le timing et le moment où ils les ont réintégrés, ils croyaient être les plus forts et ils ont fini par plier devant le TASS juste à la fin. Alors que s'ils avaient pris la décision tout de suite, je pense que s'ils avaient pris la décision dès qu'ils se sont rendus compte de l'erreur, s'ils avaient dit directement, allez, on s'est trompé, on envoie les deux. Évidemment, on espère que ça n'arrivera plus, mais on n'a pas le choix. Et ben, je pense que tout le monde aurait eu plus de temps pour se faire à l'idée. Corvée Labarre aurait eu le temps de se préparer comme si ils allaient jouer des Jeux Olympiques. S'ils avaient dit bon bah ce sera tirage sans que les paires françaises, en fait c'est une histoire d'annonce, alors que là ils ont vraiment fait à l'arrache. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tous les tirages au sort devaient avoir lieu en même temps. Et finalement, à savoir le vendredi 12, au dernier moment, on nous annonce que le double homme sera tiré plus tard, en l'occurrence le lundi 15, parce que bah, à cause de cette affaire-là. Donc c'est pour vous dire à quel point ça a été fait dans la précipitation. Et pour le coup, ça a été, oui, pour le coup, ça a été plutôt mal fait, puisqu'au final, personne n'est vraiment satisfaît, que ce soit les paires françaises ou alors. Surtout Corvée Labarre et surtout les pairs du groupe D qui ont l'impression d'être les dindons de la farce et alors qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Tout ça parce que la BWF, si ça ne tenait qu'à elle, n'aurait pas envoyé Corvée Labarre mais a dû plier au dernier moment. Donc voilà, je pense que on a fait un peu le tour et on va repasser au tableau parce que c'est plutôt pour ça qu'on est là, mais c'est assez regrettable pour tout le monde et on verra maintenant quel impact ça aura pendant cette semaine de bas au JO. On va passer à la deuxième partie, nos médaillés. Dieu dit, Adam. Bon messieurs, à part le groupe D, c'était assez facile de sortir les qualifier pour chaque groupe. Là où va falloir vraiment se mettre en danger, même si on l'a déjà un peu fait, c'est sur les médaillés. On a préparé chacun qui on voit, médaillé d'or, d'argent et de bronze. On va commencer pour laisser un peu de suspense à chaque fois par les médaillés de bronze. Et là, bah, on l'a déjà dit, hein, mais à partir des quarts, c'est tirage quasiment intégral, sauf pour tête de série 1 et 2. Les premiers vont jouer des deuxièmes, mais il y a des deuxièmes qui sont vraiment excellents, donc ça va vraiment être... Tout le monde, enfin, tout peut vraiment se passer dans ce tableau de double homme à partir des quarts. Benoît, tiens, c'est toi que je vais commencer à titiller, on va dire. Qui tu vois médaillé de bronze sur ce tableau de double homme? Autant c'était facile pour les poules, autant ça va bien changer, je pense, là. Je pense quand même que, peu importe ce qu'on dira, il faut avoir en tête que potentiellement, un match qu'on va annoncer, enfin, deux médaillés qu'on va annoncer pourraient se jouer en quart. On l'avait dit tout à l'heure, on l'a dit aussi dans la preview du mixte, mais en fait, avec ces tirages au sort, c'est toujours dur de faire du bas de fiction. Mais en tout cas, moi, mes médaillés de bronze, c'est Liang Wang que j'avais annoncé sortir premier du groupe 1. Donc, mais je m'arrête 2 secondes sur cette prédiction, mais du coup, qu'ils peuvent quand même, ils font partie des favoris à la médaille d'or, mais que tu vois pas assez costaud pour aller la chercher. Que je vois... tomber contre une paire qui rejoue le meilleur bat de sa life. Ok, mais n'en dis effectivement voilà. Pas plus, on va voir. Guillaume, t'es médaillé de bronze. Donc c'est haut. Ok. Et là, on verra bien, parce qu'en effet, c'est tellement le bazar. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui sortiront du groupe D se feront latter en quart. Ouais, c'est... C'est intéressant ça aussi, parce que c'est vrai que en fait, au-delà des 3 énormes matchs que tu auras dû jouer, l'influx que tu auras lâché là, bah, très clairement, quand c'est haut, ils n'en auront pas lâché autant. Donc c'est vrai que cette poule D, elle est vraiment. C'est vraiment la double peine. Sauf si peut-être tu joues Shu Yuan en dernier, et puis après derrière, tu te reposes un peu, mais sinon ça va être très très dur quand même, après ceux qui sortent du groupe D. C'est vrai, parce que du coup, on sait pas encore, ils ont pas encore publié le calendrier à l'heure où on enregistre, parce qu'ils ont dû forcément rajouter 4 matchs au calendrier, même si ce cher Mathias Christiansen nous a fait un peu de place, donc ça c'est pratique, mais effectivement, pour les paires qui vont jouer, ça va être très très serré en un peu plus d'une semaine de jouer tous ces matchs, et ça peut clairement avoir un impact à partir des quarts. David, t'es médaillé de bronze. Alors moi j'ai juste une toute petite question avant, est-ce qu'il n'y a aucun match, on est sûr d'aucun match pour les quarts de finale, c'est-à-dire on ne sait pas si poule D rencontre poule A, etc. Ou... Non, ouais. On ne sait pas. Non, et tu peux même rejouer ceux que tu as joué en poule, donc ouais, tu peux rejouer ton deuxième. Random, quoi. Donc en médaille de bronze, moi je vais mettre Astrup et Rasmussen que j'ai pourtant mis deuxième de poule. Ok, donc c'est intéressant ça, ils vont devoir enchaîner les petits... Les petits exploits, pour ma part, je vais mettre Alfian et Ardianto. Voilà. Oh. Je pense qui ne sont pas forcément les favoris à une médaille, mais je pense qu'ils ne vont pas laisser énormément d'influx en poule et que ça peut leur. Que tu as annoncé servir. Deuxième ou premier, Ewan, dans leur poule? Que j'ai annoncé deuxième. Okay. J'ai annoncé deuxième. Ok. Donc on voit tous des deuxièmes être médaillés. C'est intéressant. Okay. Sauf toi. Ben non. Sauf toi, du coup, Benoît. Moi, j'ai annoncé Li Wang. J'ai annoncé. Non, Liang Wang sortir premier. T'as ouais, par exemple. Liang... Ouais, donc, ouais. Ok. Ah oui, ah, ouais, ok. Donc, ta stat, elle est pourrie, en fait, Benoît. Non, ok, je vais partir. Je vais vous laisser finir. Ok. Je pensais quoi. Non, mais c'est nul. On a bien aimé. On a bien aimé la tentative, sinon. Ok, ça marche, c'est cool. Je vais commencer, tiens, en médaillé d'argent, je vais mettre Liang Wang, donc les okay. Chinois. On va faire l'ordre inverse. Donc, David, à toi, du coup. Moi, je vais mettre Kang Seo en médaille d'argent. Intéressant aussi, mais c'est tellement dur en vrai. Ah oui. Franchement, ça va être. On parlait des matchs à partir des quarts, mais à partir des demi, ça va être encore une autre folie, je pense. Guillaume. Pareil que toi, Liang Wang. Ah, j'aime bien quand tu dis ça, surtout parce que je l'ai dit. Et Benoît. Derrière du premier, surtout. Oui, c'est vrai. Je trouve que autant un mix était plus dur de sortir d'annoncer les sortants de poule et plus facile d'annoncer les médaillés. Là, c'est vraiment tout l'inverse. J'ai Li Wang en médaille d'argent. Oh là là, comment tu les vois beaucoup trop beaux, Benoît. Tu vas alors être tellement qu'ils vont déçu. Perdre contre les Américains au premier match. Exactement, mais qui va sortir une bête de chanson 3 semaines après. Ah non, mais c'est drôle, en vrai, on peut s'arrêter 2 secondes. Je les vois, j'ai un avis totalement différent sur Li Wang, et pourtant, c'est une paire que j'aime bien, qui est vraiment spectaculaire. Mais, et j'espère, enfin, moi, j'espère me tromper, hein, mais surtout après la poule qu'ils auront dû jouer, les voir aller jusqu'en finale, ça me semble quasiment impossible. Mais, ah, mais à vraiment, Tokyo, ils étaient déjà dans la poule de la mort, avec en étant dos au mur, ils jouaient leur qualif. Et Rankire Dichetti. Ouais, ils jouent leur dernier match en étant quasi éliminés. Mais en vrai, j'ai envie d'y croire. Voilà, j'ai pas d'argument, j'ai envie d'y croire. Ouais, non mais de toute façon, je te demande pas des arguments. On est tous un peu au doigt mouillé. Voilà, tout le monde a dit son deuxième. Et donc, David, t'es médaillé d'or. Rankire Dichetti. Ok. J'ai les mêmes, mais je suis un peu comme toi, David. C'est à la fois une prédiction et, allez, à 50% un souhait, parce que c'est une paire que j'adore. Également, mais j'y crois. Et d'ailleurs, Benoît parlait de ce groupe de la mort. Ils étaient même pas sortis de poule à Tokyo. Bah ouais. Donc là, ce serait quand même un gros cap. Ils ont gagné beaucoup de choses s'ils étaient champions olympiques, évidemment. Guillaume, toi, je ne crois pas que tu les aies cités, Rankire Dichetti, en médaillé d'argent ou de bronze. Est-ce que tu les vois médaillés d'or ou pas du tout? Et ouais, comme tout le monde, enfin, comme pour l'instant vous deux, médaillés d'or. Pour une finale qui vaudra 2 ans de cacahuètes normalement, et en espérant. Ah oui. Ça va être terrible. De toute façon, on va partir d'écart, ça va être terrible. Ah ouais. Benoît, toi aussi, du coup? Eh non. Kang Seo va être champion olympique. Ah ouf. Ok. Pour moi, on a les 4 demi-finalistes. Enfin, ils seront mes perdants de la petite finale, Rankire Dichetti. Ok. Moi je reste sur Oki Kobayashi qui vont être demi-finalistes et qui vont finir quatrième, mais peut-être que je les vois un peu beaux aussi, je ne sais pas. Après, tout va dépendre du tirage, on l'a dit, mais ça peut-être, ça se trouve, tous nos médaillés vont se rencontrer en quart et on est enfin. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a beaucoup insisté en ce début d'épisode sur le fait que le double homme, c'était le tableau le plus illisible après une année 2000, une saison chaotique. On est quand même 3 sur 4 à voir Rankire Dichetti qui en ce moment est pas, enfin qui en ce moment sur les dernières sorties était pas l'assurance touriste. On est 3 sur 4 à aller voir médaillé d'or, donc c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'ils ont ce truc clutch dans les bons moments qui va leur servir. Ils ont un excellent coach. Moi j'y crois pas mal. Ils ont je trouve que niveau caractère, ils ont ce petit truc en plus que n'ont pas parfois Liang Wang, qui sont quand même solides mentalement, mais il leur manque un petit, je sais pas, un petit truc. Donc je pense que ça peut jouer, mais voilà. Je pense que vous avez compris en nous écoutant tous les quatre que d'une, on sait pas trop ce qui va se passer, et de deux, surtout, on est très très très impatient de voir ça. Et donc, voilà, merci messieurs pour toutes ces prédictions et ces risques pris. Un petit dernier mot, si vous voulez dire, comme on avait fait pour le mixte. Guillaume, si tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de double homme ou en général sur le BAD ou les JO, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, j'y serai, je sais plus quand, le mardi, je crois, 30, pour les derniers matchs de poule. Donc ça va être cool. Extraordinaire. C'est vraiment un tableau qui va être énorme à partir des quarts. Ça va être, je pense, extraordinaire. Mais vraiment, j'espère vraiment de voir des matchs de dingue, de profiter vraiment sur tous les matchs, même le groupe D, quoi, en poule, ça va être énorme. Il y en a des tableaux qui sont plus déséquilibrés, qu'on attend moins, sauf vraiment à partir de demi. Alors celui-là, le double homme, pour moi, ça va être, je sais plus qu'est-ce qu'il dit ça, une dinguerie. mais c'est vrai qu'en plus, enfin, le double homme, c'est vraiment le tableau spectaculaire par excellence qui, en période de Jeux Olympiques, peut, même si c'est pas forcément celui où les Français sont les mieux armés, mais qui peut faire une grosse pub à notre sport, même dans le monde. Donc, on attend des gros matchs, des gros gros points, des trucs qui vont faire un peu le tour des réseaux sociaux, ce genre de trucs. Ce serait vraiment très très cool. Et je pense que les paires qu'on voit là, surtout voilà, les 8-9 premières, ont clairement la capacité de nous régaler. David, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Est-ce que tu vas y aller déjà? J'ai cru comprendre que tu habitais en région parisienne. Alors non, parce que je serai du coup moi en vacances. Non, moi j'ai deux petites choses à dire. Je suis quand même surpris que tous les deux, Ewan et Benoît, vous ayez pas mis médaillé votre paire favorite, à savoir Chiasso. Je suis quand même assez surpris. Même pas un demi. On en a parlé au début, puis après on les a totalement zappés. On s'est dit bon, ils passeront pas. Et la deuxième chose, j'espère qu'on aura du grand Ronan pour sa dernière compète tout court, internationale. Voilà, et puis bah, j'ai hâte parce que bah, le double homme, c'est pour moi un tableau avec le mix, c'est les deux tableaux que j'attends le plus. Donc ouais, j'ai hâte que ça commence. Et je pense que malgré le décalage horaire, je m'arrangerai pour essayer de voir un maximum de matchs. Parce que moi, je serai dans un faisceau horaire différent. C'est bien, tu te mets en condition pour Tokyo la dernière fois et Los Angeles la prochaine fois, donc tu restes sur des créneaux horaires. Voilà, c'est ça. Benoît, toi, qu'est-ce que t'as à rajouter ? J'imagine que comme tout le monde, hein, finalement, enfin en tout cas ici et je pense parmi nos auditeurs auditrices, t'es extrêmement impatient de voir tout ça. Ouais, carrément. Je suis sur la même longueur d'onde que Guillaume. En fait. Je pense que les trois premières poules m'intéressent que moyennement. Cette poule 4, ça va être un truc de fou furieux. Et je pense que dès les quarts de finale, il faut pas rater un seul match. Autant il y a des tableaux, on a dit, ouais, les huitièmes, les quarts, notamment en simple, c'est pas... Si vous ratez des matchs, c'est pas grave. Là, je pense vraiment que il va y avoir que des matchs dingues des quarts à la finale. Et ouais, je pense que ce tableau, on a dit qu'il n'y avait pas de... peut-être grand favori qui se dessinait ou que ces derniers mois, bah, c'était peut-être pas ouf, mais je pense franchement que c'est peut-être le tableau qui va être le plus fou des jeux. C'est vrai. Bah déjà, bah moi, pour aller dans vos sens à tous les trois, hein, c'est vrai que je serais très très surpris que les sortants de poules qu'on a annoncés dans les poules ABC ne soient pas ceux-là. Genre, si vraiment il y avait une des paires qui se faisait sortir, je serais vraiment ultra surpris. Je pense que la moins forte des six, on va dire, dans les groupes ABC, c'est Jomko Kedren. Mais bon, en face, je vois pas les Popov ou les Tchèques pouvoir les sortir. Donc, je serais très très surpris que ce soit différent. Et après, dans le groupe D, là vraiment, vous avez compris, tout peut se passer. Et à partir des quarts, on reste dans le même truc où vraiment tout le monde peut se faire taper. Hein. Franchement, Chiasso, qui était allé chercher la médaille il y a 3 ans, ils peuvent nous faire la même avec un niveau qu'on n'a jamais vu. On rappelle qu'ils sont quand même champions du monde, les mecs. Donc, franchement, ils sont l'exemple parfait pour dire que ce tableau va être complètement fou et très, très indécis. Donc, voilà. Je regarderai pas forcément tous les matchs en poule, mais je pense qu'à partir des quarts, il y aura des matchs à se faire en direct ou en replay, ça c'est certain. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous, c'était très très cool. Merci à vous. Et merci, David, d'être venu. Pareil, c'était cool de t'avoir avec nous. Merci à vous. Petite conclusion pour dire que, comme d'habitude, hein, ce que je dis, si vous êtes sur le Discord et que vous voulez donner votre avis sur ce tableau, encore une fois, là, tous les avis sont possibles, clairement, puisqu'il y a beaucoup de choses, très indécises. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est toujours cool de voir ce que vous pensez, voir si nous, vous partagez un peu les nôtres ou alors si on est totalement aux antipodes. C'est toujours intéressant à constater. Et voilà, merci de nous écouter. Merci à toi, Benoît, d'avoir été là. Bah, merci à toi, Ewan, comme toujours, et merci à tous les deux d'être venus et de se prêter au jeu. C'est pas toujours simple. Et franchement, j'ai passé un pur moment parce qu'on a pu partager des avis pas toujours identiques, et c'était vraiment cool. Merci d'être venu. Ouais, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on voulait le faire, parce que c'est vrai qu'avec Benoît, on se connaît bien, limite maintenant, on peut deviner les pronostics qu'on fait l'un et l'autre à chaque fois, mais du coup, c'est cool d'avoir des avis extérieurs, et évidemment, on le refera, et on le refera dans les previews qui restent, puisque le simple homme et le double dame arrivent très très vite dans les jours à venir, et on va faire plus ou moins le même format avec des nouveaux auditeurs différents, donc on a hâte d'y être, et on espère que vous y serez aussi. À plus. 绽放我们激情的节奏。 把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡？